je veux pas, je suis qu'un homme. J'ai décidé de recevoir aucun ordre. Oui, j'ai cramé pour me mettre à Londres. Au final, pour l'État, je suis qu'un ombre. Je te le jure que mes péchés m'ont perdu. Je suis guidé par le malin et m'incite. Seul oui, des fois, quand y'a personne, je me regarde dans la glace et je m'insulte. La nuit, je te regarde dormir. Je me demande ce que je ferai sans toi. L'ange de la mort viendra prendre ton âme. Je me demande si je pourrais accepter son choix. Je fais pas confiance, ma cousine. Sache qu'à moi, personne ne me paradire. Mes amis ne me connaissaient pas avant que je dise ce que je pense et que je sors paradis. C'est pas pour une que j'ai bougé. Y'a que devant l'argent que je rougis. De mon vivant, ça ne sera jamais fait. Mais quand je serai mort, éteignez mes bougies. Je t'aime pas, je vais pas faire un schéma. Le bien, le mal, je sais pas où j'ai mal. Qui est sûr de rentrer au Jenna? Qui espère de rentrer au Jenna? Hein? Je te baise en te faisant un sourire. Deux, trois balles, on te laisse en souvenir. Quand t'es bien, oui, ils vont tous venir. Quand t'as rien, personne va te soutenir. Quand dis-moi, Hakal, j'étais seul. Je me suis chargé, je suis revenu tout seul. Un corps 45 sous la selle, j'ai fait pleurer des mères et des sœurs. Mais ouais, mon pote, t'as cru que t'allais t'en sortir. Quand je t'ai dit que j'allais revenir, est-ce que j'avais l'air de mentir? Y'a des choses que je regrette vraiment, d'autres que j'assume pleinement. Celles que je regrette vraiment, c'est parce que maman s'est plaint de moi. Au final, qui pensait me connaître? Elle me demande s'il y a quand je suis pas en site. Elle sait que mes ennemis sont peut-être, et que je veux tous les baisers possibles. Frère, je te conseille de marcher droit. Si c'est pour balance, pour côté toi. Ma jeunesse à lui dans un T3. Je finirai bien dans un 5 étoiles. 10 kilos de coke dans une peintrée. Du sang sur les vides que j'ai teintées. Un jour, je vais tout vous raconter. Je vais mourir et je reste ou à peinter.